Chapitre 5. De la perte confie de 1000 écus chez les Élie et apparition de la béquille. Éloge de veuve Élie. Fanchette préside un grand conseil de guerre. Nous arrivons à des événements et ceux qui aiment les émotions vont s'en donner. Une forte baisse eut lieu sur presque toutes nos denrées au moment où l'on venait de remplir les magasins. Patron François était un rude commerçant. Mais tout le monde peut se tromper. Il avait cru à la hausse, et comptant faire un bon coup de fortune, il s'était chargé à terme. La maison se trouva en perte de plus de 1000 écus tout d'un coup. Avant cela, ce n'était pas le paradis. Après, ce fut l'enfer. Il y eut d'effrayantes disputes et même des batailles. Élie Neveu, le bel Amédée, leva la main sur patron François. Élie fils, autrement dit Fifi Jacquet, poussa la piété filiale jusqu'à ce point de rester neutre, mais veuve Élie le blessa d'une douve de barrique à la tête en lui reprochant la lâcheté qu'il montrait en ne battant point son père. Elle lui fut prise de transport une certaine nuit et, se levant à bas bruit, elle essaya d'étrangler patron François dans son grabat. Le voisinage eut vent de l'affaire. Il y eut des endormeurs pour dire que l'assassinat est un mauvais procédé dans les familles. Mais les gens qui s'y connaissent donnèrent tort à l'assassiné. Pensez donc, 1000 écus ! La ville se sépara en deux camps, les fainéants qui disaient « ce n'est pas la faute du bonhomme » et les entendus qui répondaient « il faut toujours regarder où l'on met le pied ». Jean et moi, nous nous battîmes à la cave. C'est bien certain que l'avarice tourne le sang comme du poison. Veuve Élie eut une attaque de rage rentrée qui faillit l'emporter. Elle avait un médecin au rabais qui, la voyant si bas, parla de régler sa note. On le jeta dehors et ce fut le salut de la vieille, car aussitôt que les drogues la laissèrent tranquille, le diable lui rentra dans le corps. Je ne suis pas de ceux qui vont en chantant « la médecine ne sert à rien », au contraire, j'ai toujours vu que la lancette faisait autant de bien que le canon. Quand veuve Élie se releva, ses jambes n'y étaient plus. Il lui fallut porter béquille. Jusqu'alors, elle ne nous avait pas battus à fond. Une torgnole par-ci, une poussée par-là, une ruade le dimanche, un paquet de gifles grandes fêtes gardées, c'était tout. Mais quand elle eut béquille en main, les choses changèrent. J'ai encore des élancements dans le dos chaque fois que je songe à cette coquine de béquille. C'était une béquille en bon bois, à potence et garnie de cuir par le bout. Une forte béquille, bien conditionnée, et qui avait dû coûter cher à établir. Mais on l'avait eue d'occasion. Elle vous arrivait entre les épaules comme une massue, et pourtant, je préférais encore cela au cou qui cinglait le jarret. J'avais autour des deux mollets des colliers de noir. La nuit et le jour, je ruminais pour trouver un moyen de la détruire. J'entends la béquille. Ce n'était pas aisé. Une fois, je la mis au feu, mais elle était incombustible. L'odeur du cuir roussi trahit mon dessein, et on me la donna toute chaude dans les reins. Jean avait beaucoup plus de patience que moi pour les réprimandes et même pour les injures. Il supportait tout sans se plaindre, excepté les coups. Les coups le révoltaient. Il y a des gens très doux qui ne veulent pas être battus. Sans la béquille, Jean serait peut-être encore chez les Élie. Jamais je n'aurais pu le faire entrer dans mon complot, car il tremblait à l'idée de désobéir. Mais outre qu'il avait le corps douillet, il possédait une sorte de dignité, pêchée je ne sais où. Ses yeux s'allumaient quand il regardait la béquille. Malgré la placidité de sa nature, la béquille pouvait faire de lui un Spartacus. Il m'a avoué plus tard qu'il avait volé une fois de la mort au rat à l'intention de la veuve Élie. Depuis sa résurrection, la damnée vieille ne pouvait plus fermer l'œil. La voix des 1000 écus perdus sonnait comme une cloche à son chevet. Ne dormant plus, elle ne voulait pas voir dormir les autres. Dès 3 heures du matin, hiver comme été, on entendait sa béquille tamponner les carreaux du corridor. Et tout le long du chemin, elle maugréait, grondait et maudissait. Nous la voyions sortir de l'ombre avec son nez énorme où ses lunettes miraient la lueur de son bout de chandelle. Elle nous apparaissait ainsi plus haute qu'un homme. Son bonnet pendait de travers sur les mèches emmêlées de ses cheveux gris et sa camisole souillée débraillait d'abominables loques. Elle s'arrêtait au seuil de notre taudis. Ses yeux brillaient en rouge dans le parchemin plissé de sa face. Malheur à nous si le sommeil nous engourdissait encore. Un horion double guillotinait nos rêves. Et alors, elle souriait, montrant avec impudeur les brèches de sa mâchoire démolie. Écoutez, elle avait l'estime de son quartier, tout empoisonné qu'il était par l'audace de ses mixtures. Elle comptait un nombre immodéré de condamnations subies pour vente à faux poids, et les juges se fournissaient chez elle. Dans le petit commerce, sa bonne réputation rappelait le renom du chevalier Bayard sans peur et sans reproche. Qui donc fera une bonne fois le procès de la rapine protégée ? Je ne dirai pas par la loi, ce serait un mensonge, mais par la bêtise et la lâcheté du monde. Maman elle-même croyait à la veuve Élie. Et notre haine à nous deux, Jean et moi, pauvres martyrs, n'était pas exempte d'une superstitieuse admiration. Au moment même où j'écris, le souvenir évoqué de veuve Élie me ramène tous mes épouvantements d'autrefois. Sa grande figure se dresse de nouveau du fond des années, majestueuse, forte, funeste comme ces donjons en ruine dont les spectres de pierre nous font encore aujourd'hui frissonner. Mon frère Guénolé ne balayait plus la jeune Émilie. Il étudiait décidément pour être prêtre et on commençait à l'appeler l'abbé Quimper. Il venait à la boutique quelquefois le soir nous apprendre à lire et à écrire, car Fanchette m'avait dit « Je ne veux pas que tu sois un ignorant. » Les Élie lui faisaient assez bon visage, mais dès qu'il était sorti, gare à nous, on parlait de lui en l'appelant prêtraille et la béquille allait. Bien des mois se passèrent ainsi. J'étudiais avec plaisir parce que c'était presque du fruit défendu. Arriva cependant l'époque des départs pour la pêche de Terre-Neuve et une vingtaine de navires prirent rade pour attendre le vent. Chaque fois que je pouvais m'échapper, je montais au grenier 4 à 4 pour lorgner cette petite flotte par-dessus le rempart. Terre-Neuve, c'était aussi l'Amérique, et de là au pays de Laurent Bruant, peut-être qu'il n'y avait pas très loin. Jean et moi, nous étions sur nos 15 ans. J'avais presque la tête au-dessus de lui, et sans compliment, on me trouvait bien tourné. Mais c'était Fanchette qui devenait gentille. En ce temps-là, les modistes de Bretagne ne portaient pas encore des chapeaux à plumes. Fanchette faisait ses courses par la ville avec un petit bonnet d'où s'échappait, un peu en tumulte, l'abondance bouclée de ses cheveux noirs. Selon son humeur, elle s'en allait posément, les yeux baissés et n'osant regarder que le bout retroussé de son nez. Le vent tournait-il, son pied ne touchait plus la pointe des pavés. Elle courait, l'œil à la matelot, souriant à je ne sais trop quoi, et disant bonjour au capitaine. La tante de feu, Monsieur Surcouf, ne l'aurait pas fait reculer, car il était mort, le brave homme de mer, et bien d'autres avec. Il n'y avait que veuve Élie pour vivre éternellement. Maman Quimper avait des cheveux gris sous sa coiffe. À force de regarder les navires en partance par la fenêtre du grenier, j'eus la fièvre dans le sang. Je ne sentais plus les caresses de la béquille, et Jean s'émerveillait de la quantité de coups que je pouvais encaisser sans tomber malade. Je me gardais bien de lui confier mon secret. Les gens comme lui, quand l'heure est venue, on les emmène par le bout du nez. Un soir, je dis à mon frère Guénolé, après la leçon, « Tu préviendras Fanchette. » Il me demanda de quoi il fallait la prévenir. Je répondis, « Ne t'inquiète pas, elle sait de quoi il s'agit. » C'était tout simplement une convocation. Les choses étaient en effet arrangées d'avance entre ma petite cousine et moi, et Guénolé obéissait à Fanchette comme tout le monde. Elle était fée. Le lendemain, il y eut un grand conseil extraordinaire et solennel, non plus chez maman Quimper, qui me croyait toujours à l'école de l'opulence. La salle choisie pour nos délibérations fut un creux de sable entouré par des roches sur l'îlot du Grand B, où s'élève maintenant la croix de granit qui marque la sépulture de Chateaubriand. Nous étions 4 à notre réunion, moi, Fanchette, Guénolé et Jean. À l'unanimité, la présidence fut décernée à Fanchette. Elle m'offrit la parole, mais je la priai d'expliquer ma pensée. « Pardiche ! » s'écria-t-elle aussitôt en fixant ses yeux hardis sur Guénolé. « Ce n'est pas malin ! Et ne commence pas à faire le méchant, toi, monsieur l'abbé, car tu vas finir par chanter le même air que nous, Jean et Corentin, sont pour partir en Amérique, voilà tout. » Monsieur l'abbé avait une charmante figure de jeune fille, sérieuse et douce. Il ouvrit ses grands yeux bleus tout larges. Jean balbutia. « Moi ? Partir en Amérique ? Vas-y voir, par exemple. » Je posai ma main sur son épaule et je prononçai d'un ton péremptoire. « C'est tout vu ?» Il me regarda bouche béante. Je fourrai mes mains dans mes poches jusqu'au coude et je sifflai la Marseillaise de Saint-Malo. « Bon voyage, monsieur Dumollet. » La fête de papa Quimper tombait justement le lendemain. C'était sous prétexte de la lui souhaiter que nous avions pu quitter un instant notre prison. Fanchette fit signe qu'elle allait parler, et aussitôt il y eut un grand silence. Jamais vous n'avez rien vu de si mignon que cette petite Fanchette. Voilà ce qu'elle dit. On n'a pas le temps de bavarder beaucoup. Guénolé a sa classe, et moi, mon carton est plein de chapeaux à porter par la ville, même que j'en ai jusque pour Saint-Servant. D'ailleurs, la marée n'attend personne et la voilà qui monte. Monsieur l'abbé, le sens commun ne t'étouffe pas, mais tu as trop bon cœur pour empêcher mon cousin Corentin d'aller à sa richesse. Sois gentil, on t'aimera bien, bien, bien. » Guénolé demanda. « Petite folle, qu'est-ce que ces deux pauvres enfants iraient faire en Amérique ?» Ce fut moi qui répliquai, disant « D'abord, nom de bleu, je ne suis pas un enfant. Et pour quant à moi, ajouta Jean, vous n'avez pas besoin de vous disputer. J'aime encore mieux rester chez Vavelli que d'aller courir la prétentaine. » Fanchette secoua ses cheveux que le vent du large lui ramenait sur la figure. « Toi, piteux, dit-elle, tu feras ce que je voudrais. Tu n'es qu'une bête et d'abord tu n'as pas la parole. » Jean rentra sous terre et Fanchette reprit en s'adressant à Guénolé qui branlait la tête d'une façon peu rassurante pour l'issue de la négociation. « Monsieur l'abbé, je te dis que Corentin est un joli petit gars. Et veux-tu parier que ça fera le plus bel homme de Saint-Malo d'ici 4 ou 5 ans ? Ne mens pas, puisque tu serais obligé de courir à confesse. Est-ce que monsieur Surcouf avait de la barbe la première fois qu'il alla sur l'eau ?» Guénolé resta un peu embarrassé. Il répliqua pourtant. « C'est la vérité, petiote. Mais il n'était pas le fils de maman Quimper. Madame Quimper ne veut pas que Corentin parte mousse. Elle l'a dit à la buvette, et dans tout le port de Saint-Malo, on ne trouverait pas un seul capitaine ou patron pour prendre Corentin à son bord, malgré maman Quimper. » C'était la vérité même. Il y avait le tabac, l'avancement et la justice de paix, sans parler de l'estime générale. À Saint-Malo, personne, depuis le plus gros jusqu'au plus petit, n'aurait voulu aller contre la fantaisie de maman Quimper. Cependant, Fanchette ne se tint pas pour battue. « Ils ont raison, les capitaines, dit-elle, de faire ce que veut maman Quimper, qui n'a pas sa pareille dans toute la Bretagne ni ailleurs, mais n'empêche que Corentin n'a plus la taille d'un moulin à café. « Voilà, m'écriai-je, électrisé par cette péroraison, plutôt mourir que de rester moulin à café. Et si Jean ne veut pas venir avec moi, j'irai tout seul, nom de bleu, jusqu'à la Cochinchine de Chine. » Je crois que Jean Piteux aurait acquiescé à cet arrangement, mais Fanchette reprit. « Ah, mais non du tout, ce n'est pas ça. À quelqu'un comme toi, mon pauvre Corentin, il faut toujours un piteux pour lui dire l'heure qu'il est au moment de la soupe et lui montrer où il faut tourner au bout du chemin. Jean n'est pas si capon qu'il en a l'air. Et quand je lui aurais dit « Jean, mon cousin, si tu laissais Corentin aller tout seul, je ne te regarderai de ma vie, vous verrez qu'il changera de manière. » Son œil éclatant était fixé sur le malheureux Jean, dont les paupières baissées battaient comme s'il avait eu bonne envie de pleurer. Pourtant, il ne répondait point et Guénolé répéta tristement. « Qu'est-ce que les deux bambins iraient faire en Amérique ?» Fanchette, pour le coup, le regarda gros. « Toi, monsieur l'abbé, dit-elle, tu n'as pas affaire de voir plus loin que le rond de ton nez, puisque tu vas être d'église. Nous autres, nous connaissons le monde. En Amérique, il y a d'abord l'oncle Corentin qui est d'or massif, et puis tout un tremblement de choses qu'on n'a qu'à se baisser pour les prendre à poignée. Et le commerce, donc, et que notre Corentin à nous est né coiffé, tu sais bien. Dans 5 ans, Il reviendra avec fortune faite, et tu le marieras avec quelqu'un qui sera un joli brin de demoiselle en ce temps-là. » Jean dit comme malgré lui. « C'est sûr que j'ai peur de l'eau, mais si Fanchette le veut, c'est sûr aussi que j'irai tout de même. » Mon frère Guénolé, qui n'entendait jamais à rire, dit sévèrement. « Petiote, tu es bien effronté pour ton âge. » « C'est donc qu'il y a un âge pour être effronté tout son content, » riposta Fanchette. « Parlons raison. Pour embarquer les deux marmousins, on n'a affaire ni de patron ni de capitaine. Vous ne connaissez pas mon Corentin, et il est plus fin dans son petit doigt qu'une demi-douzaine de retors quand il me laisse penser pour lui. Il a inventé une mécanique, et moi, je l'ai arrangée à ma manière. » Le mot « mécanique » était peut-être bien ambitieux, mais il est certain que j'avais songé tout d'abord à la difficulté de m'embarquer malgré maman Quimper, qui était une véritable puissance. À force de chercher, j'avais trouvé une espèce de pauvre stratagème qui boitait par tous les bouts, mais que Fanchette avait déclaré superbe parce qu'elle voyait d'un bon œil tout ce qui venait de moi. Reprenant donc en sous-œuvre ma mécanique, comme elle l'appelait, elle l'avait redressée dans son ingénieux esprit, si bien que l'idée avait fini par devenir à peu près praticable. Seulement, comme vous pourrez le voir, elle présentait des inconvénients et des dangers. Fanchette reprit de sa voix la plus décidée. « Voilà donc un point réglé. Mettons de côté le départ et la traversée, je m'en charge. C'est l'argent qu'il s'agit de trouver. L'abbé, combien peux-tu faire ?» La question était nette. La réponse ne lui céda point. « Rien du tout, » dit mon frère. « Je n'ai pas 10 sous dans ma bourse. »« Il ne s'agit pas de ta bourse ni de 10 sous, » répartit Fanchette. « Tu donnes tout aux pauvres, cœur d'or que tu es, et tu as bien raison. » C'est une bonne action que je te propose. Ma parole, Guénolé demanda, combien faudrait-il? Et sans même attendre la réponse, il ajouta. Ce n'est pas bien ce que je fais là, mais peut-être que Corentin deviendra quelque chose un jour. Et alors il rendra 4 fois autant, s'écria Fanchette. Je m'y engage pour lui. Il faut 200 francs. L'abbé fit la grimace à ce chiffre. Que ça ne t'effraie pas, poursuivit Fanchette. « J'en ai déjà plus de la moitié. » Il y eut dans le cercle un silence de stupéfaction. L'abbé dit « Plus de la moitié de 200 francs, mademoiselle ?» Et il continua avec une sorte d'effroi. « Toi, fillette, tant d'argent ? Et où as-tu pêché cela ?» Le rire sonore de Fanchette accompagna sa réponse. « Ce n'est toujours pas dans la rade. Comptez plutôt. » « J'ai 5 louis d'or de 24 francs dans mon vieux gant. Ce n'est donc plus que 16 pièces de 100 sous à trouver pour payer comptant la pacotille que j'ai choisie et retenue d'avance pour Corentin. » Je m'emparai des 2 petites mains de Fanchette, car j'étais sincèrement ému. Jean Piteux se leva tout droit et s'écria. « S'il y a une pacotille, j'en suis. Je la rangerai, je la soignerai, je la suivrai au bout du monde, la pacotille !» Ses yeux reluisaient. Le sang lui avait monté au visage. Fanchette riait plus fort à voir son ardeur. « Regardez le don !» nous dit-elle. « Rien qu'à ouïr parler pacotille, le voilà tout en vie. Un chacun ne peut pas être Corentin Quimper, et il faut des gens piteux parmi le monde. Voici la marée au pied des roches. L'abbé, aura-t-on les 16 écus de 100 sous ?» Mon frère Guénolé hésita encore, puis promit. Fanchette battit des mains et donna le signal du départ. Il était temps. Nous eûmes de l'eau par-dessus les chevilles en traversant la langue de sable qui sépare le grand baie des petits murs. Et, quand nous arrivâmes à la porte Saint-Thomas, le flot battait déjà les estacades. Sur le môle, Fanchette nous embrassa tous et prit sa course pour porter ses chapeaux aux pratiques. Avant de partir, elle nous dit, à Jean et à moi, « Vous dînerez à la maison demain. » Puisque c'est la fête de papa Quimper, ne laissez rien de vos affaires dans la baraque au Élie, car m'est avis que vous n'y coucherez pas l'autre nuit. »